بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نسأل الله عز وجل الفقه في الدين وأن يعيننا على العمل بكتابه وسنة رسوله أما بعد. Donc on rentre aujourd'hui inshallah dans le 13e cours du livre Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqida, 200 questions et réponses dans la croyance du musulman. La semaine dernière, on a pris ou on a lu la question 55, 56 et 57. Et dans ces questions, le sujet est toujours en rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans ce livre, on a vu les piliers de la foi, arkan al-iman. Et on les a vus de façon globale, mujmalan, et de façon détaillée, mufassalan. Et là, on est en train de voir le pilier de la foi qui est la croyance en Allah, al-iman ou billah azza wa jal. Et on a vu que le pilier de, parmi ce qu'implique la croyance en Allah, le fait de croire aux noms et aux attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et d'affirmer tout ce qu'Allah a lui-même affirmé, lui concernant, comme nom ou attribut. Et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé sur Allah, comme nom ou attribut. Al-iman bima wasaf Allahu bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisani rasulihi alayhi salatu wa salam. Ensuite, on a expliqué les choses concernant les noms et les attributs d'Allah. Et dans la question ou dans les questions de la semaine dernière que on a eu du mal un petit peu à expliquer, mais on va essayer de les réviser aujourd'hui inshallah. La question 55 c'était ala kam naw'in dilalatul asma'il husna. Tu peux me passer le livre en français vite fait inshallah. Donc la question numéro 55, de combien de sortes est l'indication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de combien de sortes l'indication des noms est-elle? Wal jawab hiya ala thalathati anwa' dilalatuha ala dhati wa ala as-sifat mutabaqatan wa dilalatuha ala as-sifat al-mushtaqqati minha tadammunan ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها أو ما اشتقت منها التزاما. Cette question, elle a pour but de nous faire comprendre que avec chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut comprendre et on peut sortir plusieurs attributs. Car dans les cours précédents, on a appris que dans chaque nom, il y a un attribut. Dans le nom Al-Karim, il y a Al-Karam, le généreux, la générosité. Ar-Rahim, Ar-Rahma, le miséricordieux, la miséricorde. Al-Alim, Al-Ilm, celui qui connaît tout, donc la science. Al-Hay, Al-Haya, le vivant par excellence, Azza wa Jal, il y a donc la vie. Et c'est comme ça pour chaque nom d'Allah. Dans chaque nom, il y a avec un attribut. Et cette question a pour but de nous faire comprendre qu'avec un nom, on peut en fait tirer plusieurs attributs. Comment ? En comprenant que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils nous indiquent les attributs d'Allah. Ils nous indiquent l'entité d'Allah, dhatullah subhanahu wa ta'ala. Et ils nous indiquent des attributs qui ne font pas partie de ce nom. Et vous allez comprendre. Si je prends le mot maison, ou bien d'abord je vais lire la réponse en français, elle est de trois sortes, c'est-à-dire l'indication des noms d'Allah, ce que les noms d'Allah nous indiquent est de trois sortes. La première sorte, les noms d'Allah indiquent l'entité divine. L'entité, yani Allah, huwa, subhanahu wa ta'ala, dhatuhu, tabaraka wa ta'ala, taqaddas. L'entité d'Allah, azza wa jal. L'entité, ça veut dire Allah lui-même. Chaque nom nous indique Allah lui-même. D'accord ? Quand je appelle le frère Issam, le nom Issam m'indique la personne de Issam. Le nom Mohammed m'indique la personne de Mohammed. Le nom Rahman, Rahim, Malik, Quddus, Salam, Jabbar, Aziz, Ghaffar, tous ces noms-là nous indiquent Allah. Subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils sont tous les noms d'Allah. Azza wa Jal. Chaque nom d'Allah nous indique l'entité d'Allah, nous indique Zatullah, subhanahu wa ta'ala, et en même temps nous indique l'attribut qui en découle par quel type d'implication. Le premier qu'on appelle Al-Mutabaqa. Al-Mutabaqa, ça a été traduit en français par identification, et le sens voulu de ce mot Al-Mutabaqa ou bien l'identification, c'est tout ce que le mot peut nous faire comprendre. Et je vais vous prendre un exemple. On prend le mot voiture. Quand vous entendez le mot voiture, vous comprenez que vous parlez d'un véhicule, que ce véhicule a des roues, que ce véhicule a des portes, que ce véhicule a un moteur, qu'il a des vitres, qu'il a besoin de portes et de pièces, etc. Comment on appelle ce type d'indication ? On appelle l'identification. Donc quand on a entendu voiture, on a compris tout ce qu'il y a dans une voiture par identification. Quand on entend un des noms d'Allah, chaque nom d'Allah Azza wa Jal nous indique son identité et son attribut par quel type d'application ? Par identification. C'est-à-dire que quand on entend Al-Khaliq, ce nom nous indique Zatullah wa sifatul khalq bidilalatil mutabaqa. Le nom Khaliq nous parle d'Allah lui-même et de son attribut qui est Al-Khalq, la création. Comment on a compris ça? Par mutabaqa, par identification. Quand on entend le nom Al-Karim, ce nom nous indique l'entité d'Allah et l'attribut d'Allah qui est Al-Karam, la générosité. Par quel type d'indication? Par identification. Taïeb, tu veux comprendre ça encore plus, encore mieux? Quand je dis, rappelle-moi ton prénom. Ismaïl. Excuse-moi d'avoir oublié ton prénom. Quand je dis Ismaïl, lorsque j'appelle Ismaïl, le nom Ismaïl m'indique la personne d'Ismaïl. Également, son comportement. Également, sa taille, son corps. Lorsque j'emploie le mot Ismaïl, je veux dire tout ce que ce mot m'indique. Par identification, le nom Ismaïl me parle de la personne d'Ismaïl, de son corps, de son comportement et de tout ce qu'on peut tirer de ce nom. Comment on appelle ça? L'identification. Et bien cette règle-là est applicable avec les noms d'Allah. C'est-à-dire qu'avec chaque nom d'Allah Azza wa Jal, on peut comprendre que ce nom nous indique l'entité d'Allah, c'est-à-dire que c'est un nom par lequel Allah est nommé, est appelé, subhanahu wa ta'ala, et qu'en même temps, dans ce nom, il y a un attribut. Al-Khaliq nous parle d'Allah qui est Al-Khalq, la création. Al-Razzaq nous parle d'Allah qui est Al-Razq, la subsistance. Al-Malik nous parle d'Allah qui est Al-Mulk, la royauté. Par quel type d'implication ou d'indication? Par identification. Donc retenez que l'identification, c'est tout ce que le mot peut nous faire comprendre. Dilalatul mutabaqa ta'rifuha, dilalatul lafz ala jami'i ajza'i ma'na. Ala jami'i ajza'i ma'na. Le deuxième type d'implication des noms d'Allah ou d'indication des noms d'Allah, c'est ce qu'on appelle at-tadammun en arabe, est traduit en français par l'implication. Ici, il nous dit, le deuxième, donc, il désigne les attributs qui en sont dérivés par implication. Chaque nom d'Allah, Azza wa Jal, si on veut utiliser l'identification, c'est-à-dire le mot tabaqa, on va dire automatiquement, le nom Khaliq nous indique l'entité d'Allah et l'attribut de la subsistance. Le nom Malik nous indique l'entité d'Allah et l'attribut de l'mulk, la royauté. Le nom Razzaq nous indique l'entité d'Allah et la subsistance, et ainsi de suite pour tous les noms. Par quel type d'indication? Par ce qu'on appelle l'identification. Deuxièmement, il y a un autre type d'indication qui est دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على بعض أجزاء معناه. C'est-à-dire que التضمن, l'implication, c'est une partie de ce que veut dire le mot. Par exemple, je vais dire maintenant Ibrahim. Et je vais dire d'Ibrahim qu'il mesure un mètre. Ou bien je vais dire d'Ibrahim qu'il est musclé. Inch'Allah, il sera musclé dans l'iman. Je dis Ibrahim est musclé. On connaît que Ibrahim est musclé. On sait qu'il est grand. On sait qu'il est généreux. On sait qu'il est gentil. On sait qu'il est sérieux. Et Inch'Allah, tout ça c'est vrai. Donc, le nom Ibrahim m'indique une de ces choses-là. Par quel type d'indication? Par l'implication. C'est-à-dire que le nom Ibrahim implique le comportement d'Ibrahim, ou implique la taille d'Ibrahim, ou bien implique la générosité d'Ibrahim. Par quel type d'indication? Par implication. Fa kalimat Ibrahim tadullu ala shakhs Ibrahim faqat bidilalati tadammun aw tadullu ala khuluq Ibrahim bidilalati tadammun. Donc le nom Ibrahim nous indique la personne d'Ibrahim de façon seule, par implication. Ou bien le comportement d'Ibrahim qu'on connaît, par implication. C'est-à-dire une partie de ce que le mot veut dire. Et si on dit que le mot Ibrahim nous indique la personne, le comportement et tout ce qu'on peut tirer, ça sera par identification. Et la troisième type, maintenant on va appliquer ça avec les noms d'Allah. Ismullah Azza wa Jal al-Khaliq, le nom d'Allah al-Khaliq, yadullu ala al-Dhati wa sifati al-Khalq bil-Mutabaqa. Wa yadullu ala al-Dhati wahdaha aw ala sifati al-Khalq wahdaha bil-Tadammun. Le nom Khaliq nous indique l'entité d'Allah avec l'attribut de la création, par identification. Et le nom Allah, alaykum salam, et le nom Khaliq nous indique l'entité d'Allah de façon seule, par implication. Ou l'attribut de la création seule, par implication. Mais si on prend tout ce qu'il veut dire, ça sera l'identification. Donc l'identification, c'est tout ce que veut dire le mot. Et l'implication, c'est une partie de ce que le mot veut dire. Vous avez compris? Troisièmement, ils indiquent les attributs qui n'en sont pas dérivés par inhérence. On va dire, on va enlever le mot inhérence. Ça sert à rien de traduire avec des mots comme ça. On va dire de façon indirecte, comme ils ont mis en bas. Chaque nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous indique l'entité d'Allah et l'attribut qui en découle par identification. Chaque nom d'Allah Azza wa Jal nous indique l'entité d'Allah seule par implication, ou l'attribut qui en découle seul par implication. Troisièmement, chaque nom d'Allah Azza wa Jal nous indique des attributs qui découlent pas de ce nom, mais qui forcément, s'il a ce nom-là et cet attribut-là, il aura des autres attributs. Maintenant, même si c'est difficile pour vous, c'est à la fin que vous allez comprendre avec les exemples. On va appliquer cette règle-là avec le mot bayt. En arabe, le mot voiture. Kalimat bayt tadullu ala al-matbakh wal-hammam wal-ghurfa wal-arika wal-sala bidilalati al-mutabaqa. Wa kalimatu bayt tadullu ala al-ghurfati wahdaha bidilalati al-tadammun. أو على الحمام وحده بدلالة التضمن أو على الصالة وحدها بدلالة التضمن وكلمة بيت تدل على لازم خارج تدل على شيء خارج عن هذه الكلمة فكلمة بيت تدل على الصانع الذي صنع هذا البيت وهذا الصانع ليس في كلمة البيت. Là, je parle en arabe parce qu'il y a des frères qui comprennent et peut-être c'est plus facile pour eux en arabe. Et je reprends ça en français. Le troisième type d'indication, c'est al-iltizam en arabe. Al-iltizam. Ay, yalzamu min kawn al-bayt mawjoudan annahu hunak man sana'a hadha al-bayt. Fa idha sami'ta kalimat bayt, la budda an yakun man sana'a hadha al-bayt. وإذا سمعت كلمة سيارة لابد أن يكون المهندس الذي صنع هذه السيارة وهكذا مع اسماء الله عز وجل وسنفهم إن شاء الله. Donc le troisième type d'indication c'est ce qu'on appelle l'inhérence. Mais en fait c'est que les noms d'Allah indiquent les attributs d'autres attributs qui ne découlent pas de ce nom-là par ou de façon indirecte. Parce que on va prendre le mot maison. Le mot maison nous fait comprendre la chambre, le salon, le couloir, la cuisine, la machine à laver, la salle de bain. Par quel type d'indication, Ibrahim ? Par la première qui est l'identification. Le mot maison lui-même nous indique la chambre de façon seule, ou le couloir de façon seule, ou la cuisine de façon seule, par l'implication. C'est-à-dire, ce mot-là implique qu'il y a une cuisine, ou une salle de bain, ou, etc. Et le troisième type d'indication, c'est le mot qui veut forcément nous dire une autre chose qui n'est pas directement dans ce mot-là. Lorsque tu entends le mot maison, forcément, il y a un maçon qui a construit cette maison. T'as compris? Lorsque tu entends le mot voiture, il y a forcément un ingénieur qui a fait les plans pour construire cette voiture. Lorsque tu entends n'importe quel mot, il y a forcément une autre chose que tu peux comprendre de ce mot-là. Mais cette chose-là est comprise de manière indirecte parce qu'elle n'est pas dans le mot directement. Eh bien, cette règle-là, maintenant, on va l'appliquer avec les noms d'Allah. Et on a dit que les noms d'Allah, ou l'indication des noms d'Allah, ce que les noms d'Allah nous indiquent, ce que les noms d'Allah nous montrent, est de trois sortes. La première, al-mutabaqa, c'est-à-dire l'identification. Prenez un nom d'Allah. Donne-moi un nom d'Allah, Ibrahim. Le premier qui devient l'esprit. Al-Razzaq. Al-Razzaq, par identification, qu'est-ce que nous fait comprendre Abdelkarim? Naam. Et l'entité d'Allah est Ar-Razq. Et quand vous parlez d'Allah, vous dites Ar-Razq. Le rizq, c'est la chose qu'Allah nous a donnée. L'action qu'Allah fait, ça s'appelle Ar-Razq. Al-Muhim. Le mot Razzaq, le nom Razzaq, nous indique l'entité d'Allah et l'attribut de la subsistance par identification. Donnez-moi un autre nom d'Allah. Hein? Al-Malik. Un autre, parce qu'il y a un khilaf dans ce nom-là, et j'ai pas envie de rentrer dedans. Hein? Malik, Al-Malik. Al-Malik. Donnez-moi un nom que j'ai pas dit, s'il vous plaît. Al-Ghani. Parmi les noms d'Allah, Azzawajal, Al-Ghani. Hada l'ism, ce nom-là, nous indique Zatullah wa Sifatul Ghina bidilalati al-mutabaqa. C'est-à-dire que le nom d'Allah, Ghani, nous indique deux choses. L'entité d'Allah, car c'est un nom à Allah, et l'attribut qui découle de ce nom, qui est la richesse. Par quel type d'indication? Par identification. Et ça, c'est ce qu'on fait avec tous les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type d'indication, at-tadammun, l'implication. L'implication, c'est une partie du sens du mot. Avec le nom d'Allah, al-Khaliq, fais-moi at-tadammun avec le nom Khaliq, Isa. تضمن يحتوي على صفة الخلق. طيب. نعم. أو. أو الذات الإلهية. نعم. وحدها. طيب. Le nom, c'est quel nom? Khaliq. Le nom Khaliq nous indique l'entité d'Allah de façon seule par implication, pas par identification. Et il nous indique l'attribut de la création, al-khalq, par par implication. D'accord? L'identification, c'est tout ce qu'on peut tirer du mot. Et l'implication, c'est une partie de ce qu'on peut tirer du mot. Si je dis malek, le mot malek me fait comprendre ta tête, tes bras, ton corps, ton comportement, tout ce qu'on connaît de toi, ça c'est par identification. Si je dis malek, on comprend que dans ce mot-là, il y a ton corps seul. Ça c'est par implication. Ça implique ton corps. Ça implique ton comportement de façon seule. Ça implique une chose de façon seule. Et la troisième, c'est de façon indirecte. Dilalatul iltizam, ce qu'on appelle en arabe al-iltizam. Al-iltizam, c'est que le mot nous fait comprendre un ma'na, un sens, de façon indirecte. Pourquoi de façon indirecte? C'est une chose qu'on comprend forcément, mais qui ne se trouve pas dans le mot lui-même. D'accord? Donc, on reprend le nom khalq. Ah, maintenant, comment tu vas appliquer ça? Ismullah azajal al-khalq. Yadullu ala maza bil iltizam. Al-hayat. Hayat qudra. Ouais. Wal-ilm. Le nom d'Allah khalq. بدلالة المطابقة يدل على الذات مع صفة الخلق بدلالة تضمن يدل على الخلق وحده أو يدل على الذات وحدها وبدلالة الالتزام يلتزم إذا كان الله هو الخالق له حياة علم وقدرة. Donc le nom d'Allah Azza wa Jal Khalq par identification nous indique l'entité et l'attribut de la création. Par implication, il nous indique l'entité de façon seule ou l'attribut de la création de façon seule. Et de façon indirecte, il nous indique d'autres attributs qui sont la vie, la science et la capacité. Car si Allah Azza wa Jalla est le créateur, forcément il est vivant et forcément il a de la science pour créer tout ce qu'il a créé et il a forcément une capacité immense à créer les choses. Et c'est ça ce qu'on appelle en arabe al-iltizam, c'est-à-dire l'indication de façon indirecte d'autres choses qui ne sont pas dans le mot lui-même. Et c'est une règle qu'on applique avec tous les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a fait comprendre ça dans surat al-Talaq à la fin des versets. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun. Allah est celui qui a créé sept cieux et un nombre égal de terres. Yatanazzalu al-amru baynahun. Il fait descendre, ou son ordre descend entre ceux-ci, c'est-à-dire entre les cieux et la terre. Il arrive sur terre, subhanahu wa ta'ala, l'ordre d'Allah. Pourquoi? لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de tout et qu'Allah a englobé toute chose par sa science. Allah a voulu nous montrer ici qu'en créant nous expliquant qu'il a créé les cieux et la terre, il a voulu nous montrer l'immense science qu'il a. Parce que pour créer tout ça, il faut de la science. Car Allah Azza wa Jalla a créé les humains avant même qu'ils n'existent, les animaux avant même qu'ils n'existent. Nous, quand on fabrique, on se base sur une chose qu'on connaît. Allah Azza wa Jalla, il a créé avant que ça existe. Ça vous fait comprendre l'immensité de la science d'Allah. Et également, puisqu'Allah est celui qui a créé tout ça, la capacité, le qudra al-azim, l'immense capacité qu'Allah a de faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et avec chaque nom d'Allah, on va tirer l'entité d'Allah, l'attribut qui découle de ce nom et d'autres attributs de façon indirecte. Et je pense que c'est mieux expliqué que la semaine dernière. Alhamdulillah. Donc, maintenant on va appliquer ça avec d'autres noms d'Allah. Donnez-moi d'autres noms et s'il vous plaît, pas des noms que vous avez déjà dit. Hein? Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sabour. As-Sabour, c'est celui qui a une patience immense, parfaite, sans aucun manque. Toi, des fois, tu patientes parce que t'as pas la capacité de reprendre ton haq qu'on t'a pris. Donc, tasbir, tu patientes. Et t'attends qu'Allah il te donne. Allah Azza wa Jal, il patiente pas parce qu'il est incapable. Il patiente parce que son sabr, il est kamil. Son sabre, il est parfait. Il n'a aucun manque. Il n'a besoin de rien. Parmi les noms d'Allah, As-Sabour. ça veut dire celui qui est immensément patient, subhanahu wa ta'ala, et le seul à être vraiment parfait dans la patience, subhanahu wa ta'ala. Donc de ce nom applique-moi l'identification, ensuite l'implication, ensuite et l'iltizam. Qui répond? Vous avez compris ou pas? Shérif, il a compris. Fadla, Shérif. Oui. على صفة الصبر هذا على ذات ذات الله على ذات الله ثم دلالته على تضمن الصفة طيب تقول الصبر. شوف تقول اسم الله الصبور يدل على ذات الله وصفة الصبر بماذا الصبور معناه انه لا لا لا هذا أبخي أنا أريد أولا تقول لي مطابقة ثم تقول لي تضمن ثم تقول لي التزام je veux que tu me dises identification on comprend ça et ça par implication on comprend ça et ça et par inhérence on comprend ça et ça donc اسم الله الصبور تقول لي هكذا يدل على ذات الله وصفة الصبر بالمطابقة ويدل على الصبر وحده أو على ذات الله وحدها بالتضمن ويدل على الرحمة والحلم بدلالة الالتزام لأن الله يرى عباده يشركون به ولا يزال يرزقهم فهو حليم بهم سبحانه وتعالى Le nom الصبور qui est celui qui a une patience immense par identification nous indique l'entité d'Allah et l'attribut qui en découle qui est la patience Par implication, il nous indique l'entité d'Allah de manière seule ou la patience de manière seule. Et de manière indirecte, il nous indique la rahma d'Allah, azza wa jal, et l'indulgence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il voit ses serviteurs lui associés et il leur donne quand même la subsistance. Et avec chaque nom d'Allah, azza wa jal, on tire des autres attributs. Je veux vraiment que ça rentre dans votre tête. Donnez-moi un autre nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Muqsit, je ne sais pas, je ne connais pas. Al-Wakil. Un autre. Ça c'est un nom d'Allah, mais je veux un autre. Al-Hamid. Al-Hamid. Parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donnez-moi un autre. Al-Kabir. Barakallahu fik. Parmi les noms d'Allah, Azza wa Jal, Al-Kabir. Sifat al-lati tadullu yadullu 'alayha hadha al-ism, sifat al-kibriya. Sifat al-kibriya. Allah Azza wa Jal akbar min kulli shay, subhanahu wa ta'ala. Hadha al-ism Ce nom-là, Al-Kabir, qu'est-ce qui nous fait comprendre par identification, qu'est-ce qui nous fait comprendre par implication et qu'est-ce qui nous fait comprendre par Al-Tizam comme salam, Abdel Karim. Riyad, Riyad d'abord. Par identification, Kabir, il nous fait comprendre l'entité d'Allah et sa sifat. La sifat. Et la sifat qui est, c'est le Kibriya, la tribu. Deuxièmement, soit il nous fait comprendre l'entité d'Allah, soit la grandeur. Par implication. Et troisièmement, et de façon indirecte, si Allah Azza wa Jalla akbar min kulli shay, il est puissant. Il est puissant. S'il est akbar min kulli shay, il est plus grand que tout, donc il est. Il est qawi. Dominateur. Il est qahar. Il est dominateur, il est au-delà de tout, unique. Hein? Muhaymin. Unique. Je voulais que tu me dises ça. Et on peut tirer plein de choses encore. Donc vous avez compris? Il a qu'un Allah Azza wa Jal akbar min kulli shay. Faidan huwa wahda. La sharika la. Faidan huwa al-ghani. La yahtaj ila ahad. Innahu akbar min kulli shay. وإذا كان أكبر من كل شيء من كل شيء فهو قوي وهو قاهر على الجميع سبحانه وتعالى. دلما ندخل عند الله النور. ها النور لا je veux pas celui-là. ها القدوس. طيب القدوس دلما ندخل المنان. C'est parmi les noms d'Allah, Al-Mannan. Al-Mannan, هو الذي يمن على عباده بأنواع النعم. يعني مجملة هو هذا الاسم. معنى الاسم. Al-Mannan, صفة المن. Al-Mannan est un nom d'Allah. Al-Mannan, c'est celui qui donne ses bienfaits à ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, avec ce nom-là, explique-moi l'identification, l'application et l'iltizam. La sifat qui est Al-Man. Voilà. Hein? C'est la ni'ma. C'est qarib ni'ma. C'est comme si tu disais la ni'ma. Man Allah, comme si tu disais à peu près ni'matullah azzawaja. Deuxièmement. Ouais. Troisièmement. Réfléchis. Si Allah azzawaja est Al-Mannan, yamunnu ala ibadihi, il leur donne des ni'am de partout. Hein? Al-Karam. Al-ilm, parce qu'il sait à qui il donne, il sait ce qu'il donne, et plein d'autres choses encore. Attends, un autre nom d'Allah, Azza wa Jal. Al-Nafi', celui qui facilite. Al-Nafi', c'est pas un nom d'Allah. Al-Jawwal. Al-Musawwir. Après, c'était Al-Musawwir. Al-Musawwir, c'est un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Al-Khaliq, al-Bari', al-Musawwir. صفة التصوير الذي يعطي لخلقه صورتهم كيف يشاء فيصورهم كيف يشاء في الأرحام كما قال عز وجل. المصور تنود الله. المصور سي le façonneur ou celui qui donne la forme à ces créatures, celui qui a décidé de donner à l'être humain deux yeux, un nez, deux oreilles, une bouche, et de les mettre sur le visage à tel endroit. C'est ce qu'on appelle façonner. D'accord? Ce qu'on appelle le fait de façonner. De la sifa, que l'attribut qu'on sort de ce nom, c'est taswir. At-taswir. Donc, le nom musawir, tu me l'appliques avec ces trois. Cheikh Mouldi. المصور هو المصور لذاته. طيب. والصفة هي التصوير. نعم. ومن التصوير يعني يخرج مجموع هو يعني خلق. لا. الشيخ مولي. الخلق يعني الصفة تاع الشيء المخلوق الذي يخلق. طيب. فيصور يعني تدخل فيه في هذا الإطار. طيب. جواب صحيح. Voilà, Ken. La réponse, elle est bonne. C'est ça la réponse. Mais moi, je veux que vous me dites ou que vous me disiez, comme vous me dites ou vous me disiez. Je veux que vous me disiez ces trois choses-là. Ana urid an taqul ismullah al-musawwir yadullu ala dhatillah wa sifati at-taswir bil mutabaqa. ويدل على ذات الله وحدها بصفة بدلالة التضمن أو صفة التصوير بالتضمن ويدل على صفة الخلق والعلم والقدرة بصفة بدلالة الالتزام ولكن فهمت هذا الحمد لله. Un autre nom d'Allah et on passe à l'autre question. الستير هو الذي يستر عيوب عباده سبحانه وتعالى من ستره الله. الستير مو الستار الستير لا يصح الستار الذي يصح هو الستير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن الله حي ستير يحب من عباده الستر والحياء والحياء. Donc le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est As-Sittir, c'est pas Satar. As-Sittir. Donc ce nom-là, il nous indique Sifatu As-Sitr, le fait qu'Allah il cache les défauts de ses serviteurs. Un rideau en arabe, un sitar. Pourquoi? Parce que ça cache ce qu'il y a de l'autre côté. Parmi les noms d'Allah, al-sitir. Pourquoi? Parce qu'Allah cache les défauts de ses serviteurs. Donc, applique-moi, Malek, t'as compris ou pas la règle? Tu peux me l'appliquer? Essaye de me l'appliquer. Le nom sitir nous indique. Je te laisse la suite. Le premier, c'était quoi? C'était l'identification, non? Le premier, c'est l'identification. Et son attribut qui est sitir, la couverture, le fait qu'il couvre. Deuxièmement, par implication. Ou l'entité d'Allah. Troisièmement, de façon indirecte, si Allah est cité et couvre ses serviteurs, forcément, il est miséricordieux. Donc, عنده رحمة. الستير لا يمكن إلا أن يكون رحيما. هذا هو الالتزام. يلزم من أن من كونه ستيرا أنه رحيم. ويلزم أن له علم أن له الحياة هكذا. Vous avez bien compris ça, alhamdulillah. On passe à la question. La question 56, on ne la lit pas parce qu'on l'a déjà fait, c'est un exemple, on a donné plus d'exemples. Question 57. على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ يعني ماذا تتضمن أسماء الله؟ كأن السؤال هو هذا. Le nom d'Allah, la question 57, c'est en combien de catégories se divise l'indication des noms d'Allah du point de vue de ce qu'ils impliquent. Et là, quand on parle de l'implication, on parle pas de l'implication dont on a parlé dans la question suivante. On parle d'autre chose. C'est pour ça que la question, je vous la reformuler autrement. Qu'est-ce que les noms d'Allah impliquent? Qu'est-ce qu'ils nous indiquent? Alors, on va, justement, je vais lire le diawal. Sou'al ou la diawal? هذا شيء آخر هذا هذا هذا on rentre pas dedans mais c'est autre chose. طيب وهذا كلامك صحيح. après ce que dis tu veux inchallah. المهم la question numéro 57 que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala du point de vue de ce qu'ils impliquent ils se divisent en quatre parties. En quatre parties. الجواب هي على أربعة أقسام. القسم الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله. ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. La première catégorie des noms d'Allah, c'est une catégorie où il y a pour l'auteur du livre qu'un seul nom qui est le nom Allah. Le nom d'Allah implique tous les autres noms ou tous les autres attributs d'Allah. Quand on dit Allah, هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام العزيز الجبار الخالق الواحد الأحد الصمد القيوم الحي etc. Tous les autres noms d'Allah sortent aussi de ce nom-là. Le nom Allah implique tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les autres noms d'Allah suivent le nom Allah et non pas le contraire. C'est clair? Ma ihtaj ila tafsir, wadih. Le deuxième nom, et vous avez remarqué que j'ai dit pour l'auteur. Pourquoi? Parce que pour certains ulama, comme Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, le Mufassir al-Qur'an al-Ma'ruf, il dit qu'il y a d'autres noms et parmi ceux-ci il a dit al-Ahad al-Samad. Ala kulli hal, athani, deuxième catégorie des noms d'Allah, ma yatadammanu sifata dhatillahi azza wa jal kasmihi ta'ala al-Sami' al-mutadammini sam'ahu al-wasi'a jami' al-aswat sawa'un 'indaha sirruha wa 'alaniyatuha wa ismihi al-basir al-mutadammini basarahu an-nafidha fi jami' al-mubsarat سواء دقيقها وجليلها واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وعدما وغير ذلك. Donc, la deuxième catégorie des noms d'Allah, c'est une catégorie de noms qui nous indique un attribut. Cet attribut-là, on l'appelle l'attribut sifat ou dhat. Oubliez la question. On va dire, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms d'Allah azza wa jal, nous indiquent tous des attributs. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala eux-mêmes se divisent en deux. En arabe, on appelle ça sifat dhat ou sifat al-fi'l. C'est-à-dire des attributs d'entité. Quand on dit des attributs d'entité, c'est-à-dire des attributs par lesquels Allah est tout le temps décrit. Des attributs qui ne se détachent jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. À n'importe quel moment, Allah est décrit par cette chose-là. Un exemple, la science. Allah Azza wa Jal a tout le temps été décrit par la science. Et il n'y a pas un moment sans qu'Allah n'y soit décrit par la science. La vie, Allah a tout le temps été vivant. Il n'y a pas un moment sans qu'Allah soit vivant. Al-Sam'a, le fait d'entendre. Et lui, il n'y a pas un moment où Allah Azza wa Jal n'entend pas. Al-Basar. Hein? Là. Al-Basar. Al-Basar, c'est le fait de voir. Al-Basar, c'est le fait de voir. Il n'y a pas un moment où Allah Azza wa Jal ne voit pas. On remarque que tous ces attributs, Allah Azza wa Jal est tout le temps décrit par ces attributs. Ils sont tout le temps avec son entité. Tant que son entité est là, ses attributs sont là. En arabe, on appelle ça sifat al-dhat. Les attributs d'entité. Les autres attributs sont sifat al-fi'l. Des attributs d'action. C'est-à-dire, ils sont des attributs par lesquels Allah est décrit quand il les fait, quand il veut les faire. Subhanahu wa ta'ala. Allah a tout le temps eu cet attribut, mais il le fait quand il le veut, et cet attribut, il se renouvelle quand lui le veut. Un exemple, al-khalq. Allah azza wa jal yakhluqu mata yasha walakin yasma'u da'iman fasama' sifat dhat wal-khalq sifat fi'l. La création, on prend la création et lui, le fait qu'il entende tout. La création, Allah il crée quand il veut. Lui, Allah il entend tout le temps. On prend un autre exemple. Al-Mughith. On va dire Al-Mu'ti. Al-Ata. Allah Azza wa Jal, il donne. Il donne quand il veut, ce qu'il veut. S'il veut, il ne te donne pas, tu lui demandes, il ne te donne pas. Mais le basar, la vue, Allah il voit tout le temps. Quelle est la différence entre le khalq et le sam'a? Et quelle est entre la création et lui? Et quelle est la différence après entre l'ata et le basar, c'est-à-dire le don et la vue? La réponse, c'est que la création, Allah le fait quand il le veut. Il a toujours été créateur, mais il crée quand il veut. Tandis que lui, Allah, il a toujours été, il a toujours tout entendu, il entendra toujours tout. On ne dit pas Allah il entend quand il veut, on dit Allah il entend tout le temps. Mais on dit Allah il crée quand il veut. Al-Ata, alaykum salam. Le fait de donner, Allah il donne quand il veut, à qui il veut, ce qu'il veut. Mais le fait de voir, Allah tabaraka wa ta'ala voit tout le temps. Quelle est la différence entre le fait de donner et le fait de voir, alors qu'ils sont tous des attributs d'Allah? La réponse, le fait de donner c'est un attribut d'action. Et le fait de voir c'est un attribut d'entité. Parce que voir, Allah est constamment décrit par cet attribut. Et donner, il donne quand il veut. C'est une division des noms d'Allah, et on appelle ça sifatul fi'l ou sifatul dhat. Les attributs d'entité, les attributs d'action. D'accord? Donc, la deuxième catégorie, c'est justement la catégorie des noms, des attributs d'entité. C'est des noms qui nous montrent des attributs d'entité. C'est des noms qui nous montrent des attributs par lesquels Allah est constamment décrit. Donnez-moi maintenant un nom qui nous indique un attribut d'entité. Un attribut par lequel Allah est tout le temps décrit. Cheikh Mouldi. Même si vous avez déjà entendu. Les exemples. Hein? Bachir. Cheikh Mouldi. Al-Bannad. La, la, Adia. Yamunu Matasha. Matasha. Hein? Al-Kabir. Al-Kabir, sifat zat. Al-Kabir, le nom Kabir, Allah Azza wa Jalla est tout le temps Kabir. On ne dit pas Hua Kabir Matasha. Daiman Kabir. Idan hada sifat zat. T'as compris. Un autre exemple, Abdel Karim. Samir. Al-Samir. لماذا؟ لأن الله يسمع دائما. الله entend tout le temps. سبحانه وتعالى. شريف. القيوم. القيوم. لأن الله عز وجل. لا عفوا. القيوم صفة فعل. الملك. ها؟ الملك. الله عز وجل. il a tout le temps la royauté. il l'a tout le temps. il l'aura tout le temps. donc c'est une صفة ذات. الحق. الحق. هذا صفة ذات. الله عز وجل لا يكون إلا حقا الحكيم القدوس الحمد لله vous avez compris الحكيم دائما حكيم القدوس دائما قدوس طاهر في صفته الرحمن الرحمن on sort de ça parce que مهم on rentre pas dans le nom Rahman donc vous avez compris ça ce qu'on appelle des noms ذات. Maintenant, الثالث, la troisième catégorie des noms d'Allah, ما يتضمن صفة فعل لله, صفة فعل لله, كالخالق والرازق والباري والمصور وغير ذلك. الخالق, الخلق. الباري, البرء. المصور, التصوير. Donc, des noms qui nous indiquent des attributs d'action, c'est-à-dire des choses qu'Allah fait quand il veut. Et quand on dit qu'Allah fait quand il veut, c'est-à-dire qu'Allah a toujours eu cet attribut. Mais la différence avec les autres, c'est qu'il les fait quand il veut. Allah Azza wa Jal, avant de créer la création, il a tout le temps été créateur. Mais il crée quand il veut. Vous avez compris? Donc, Al-Khaliq, on a déjà pris cet exemple. Al-Waziq, celui qui donne la subsistance. Yarzuqu ma yasha, man yasha, mata yasha, kayfa yasha. Il donne la subsistance comme il veut. Subhanahu wa ta'ala. Al-Bari. Wa huwa qarib bin ma'na al-khalq. Wal-Musawwir. Wa huwa qarib aydan. Donc tout ça sont des attributs de fi'l. Donnez-moi des attributs d'action maintenant. Shafi. Hein? Shafi. Al-Shafi. Exactement. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a tout le temps été Shafi. Mais يشفي من يشاء ومتى يشاء وإذا يشاء il guérit qui il veut quand il veut سبحانه وتعالى المتكلم ليس من اسماء الله عز وجل المتكلم ce n'est pas un nom d'Allah تبارك وتعالى ولكن الصفة الكلام صفة لله عز وجل Allah il a cet attribut mais ce n'est pas un nom d'Allah et après on va parler justement de comment on par rapport à cette chose-là, on va parler. Al-Muhim, sifatul kalam. Sifatul kalam, Allah Azza wa Jal yatakallam. Yatakallamu matayasha. Subhanahu wa ta'ala. Allah parle, et il parle quand il veut. Donc c'est un attribut d'action. Un autre attribut d'action. Badir. Hein? Badir. Là. Parce que le badir, on ne peut pas dire parmi les noms d'Allah, le badir. On dit parmi les noms d'Allah, badir samawati wal ard. Ça c'est un autre truc, mais on rentre pas dedans tout de suite. Relatif. Hein? Relatif. Al-Razzaq. Hein? On l'a déjà dit Al-Razzaq. Hein? Al-Mu'ati. Al-Mu'ati, il y a une sifa dedans, un attribut qui est Al-Ata, le fait de donner. Allah il donne quand il veut. Al-Mu'ati. Maintenant je vais vous dire une chose. Al-Qudra. Al-Qadir. Fi'l ou thât? ذات بارك الله فيك طيب الحي فعل وذات ذات ما شاء الله الحمد لله العليم فعل وذات ذات جزاك الله خيرا الودود ها؟ الودود الودود فعل لأن الله عز وجل يجعل المودة بين المؤمنين متى يشاء إذا هم ازدادوا من الأعمال الصالحة زاد لهم مودة ولذلك ترى بين المؤمنين أحيانا شحنة وبين الناس شحناء. لماذا؟ لأن الله ما أراد بينهم المودة، فإذا متى شاء أعطاهم المودة. طيب أنو ده الله الولي ها؟ الولي الوهاب. On va dire Al-Wahhab, Barakallahu Fik. Parmi les noms d'Allah Azzawajal, Al-Wahhab. Huwa alladhi yahabu liman yasha. Ça, j'ai répondu, ma yasha. Al-Wahhab, c'est celui qui donne ce qu'il veut quand il veut. Donc, wadih, sifat fi'l. Al-Hiba, sifatu fi'l. Donc, Alhamdulillah, je pense que vous avez bien compris. Rabi'an, la quatrième catégorie des noms d'Allah Azzawajal, ma yatadammanu. تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. Donc la quatrième catégorie des noms d'Allah, c'est une catégorie de noms qui comprend un attribut qui nous montre qu'Allah est pur, et tellement il est pur, il n'a aucun défaut, il n'a aucun manque. Subhanahu wa ta'ala. Parmi ces noms, Al-Quddus As-Salam. Et également Majid, non, c'est autre chose. Al-Subbuh, parmi nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Subbuh, Al-Quddus et Al-Salam. Al-Salam. D'accord. Donc ces trois noms là ils nous montrent qu'Allah il est pur, parce que de lui ne vient que la pureté, il n'a aucun manque. Subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend que les noms d'Allah se divisent en quatre. Il y a des noms qui nous indiquent tous les attributs d'Allah. C'est un seul nom pour l'auteur, c'est le nom Allah Azzawajal. Il y a des noms, alaykoum salam, qui nous indiquent des attributs d'entité, comme Al-Sami' Al-Basir Al-Alim Al-Qadir. Il y a des noms qui nous indiquent des attributs d'action, comme Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Bari Al-Mannan Al-Wadud et autres encore. Et il y a des noms qui nous indiquent la pureté, qui nous indiquent qu'Allah n'a aucun défaut, subhanahu wa ta'ala, comme Al-Quddus bima'na Al-Tahir ou Al-Salam Al-Ladhi huwa salimun fi nafsihi wal-musallimu li ghayrihi fala ya'tihi naqsun abadan. Celui qui est pur, Al-Salam, c'est celui qui en lui-même il n'a aucun manque, aucune chose mauvaise. Et c'est de lui que vient cette chose-là sur ses serviteurs. Quand leurs serviteurs sont bien, c'est bifadl salam. Si un jour tu es préservé de la maladie, l'anna salam salamaka min hadha al-marad. C'est parce que le salam t'a préservé de cette maladie. Al-hafiz. Fi'l ou dhat? Barakallahu fi. Jazakallahu khayran. Adkhalakallahu al-jannah. Donc vous avez compris, les noms d'Allah se divisent en quatre. Il nous reste encore un peu de temps. طيب. Question 58. As-su'al al-thamin wal-khamsun. Kam aqsam al-asma'ul husna min jihati itlaqiha 'ala Allah 'azza wa jalla. Donc cette question, c'est que عندما نطلق اسما من اسماء الله ونطلقه على الله من جهة الإطلاق كم أقسم هذه الأسماء كيف نطلقها على الله عز وجل. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont dans de combien de catégories lorsqu'on appelle Allah avec, lorsqu'on les emploie pour Allah subhanahu wa ta'ala. الجواب منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك. On va répondre à cette question. Les noms d'Allah Azza wa Jal, repasse-moi le livre, Abdelkarim. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on les, en combien de catégories se divisent les noms d'Allah quant à leur attribution à Allah? Quand on attribue ces noms à Allah, le fait de les attribuer à Allah, de dire que c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait de deux façons. Soit plutôt par rapport à ça, les noms d'Allah se divisent en deux. il y a des noms qu'on peut lui attribuer seul, c'est-à-dire on peut dire que le nom et on dit que c'est un nom d'Allah Azza wa Jal. Et ce sont les noms dans lesquels il y a un attribut tout le temps parfait. Ou plutôt, on va dire, comment on va dire ça? On va lire sa réponse en français. Certains noms sont attribués à Allah seul ou avec d'autres noms. Ce sont ceux qui comportent l'attribut de la perfection absolue sous quelque forme. C'est le cas du nom Al-Hayy, qui a la vie parfaite, et Al-Ahad, celui qui est unique, et As-Samad. As-Samad, c'est celui vers qui tout nom revient. Subhanahu wa ta'ala. Ces noms-là, on les applique directement à Allah. فَنَقُولْ مِنْ أَسْمَى اللَّهِ الْحَيِّ وَمِنْ أَسْمَهِ الْقَيُّوْمِ وَمِنْ أَسْمَهِ الرَّزَاقِ الْمَنَّانِ الْكَرِيمِ الْسِتِّيرِ الرَّحْمَنِ الْوَدُودِ الْحَلِيمِ الْعَظِيمِ الْقَدِيرِ عَزَّ وَجَلْ. On applique les noms d'Allah directement, on dit qu'ils sont des noms d'Allah. Parce que ces noms, ils n'ont qu'une perfection. Ensuite, il y a des autres noms. وَمِنْهَا مَا لَا يُتْلَقُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا مَعَ مُقَابِلِهِ. Il y a parmi les noms d'Allah des noms que on applique, on attribue à Allah accompagné d'un autre nom. Forcément, on ne peut pas le laisser seul. مثال ذلك المقدم والمؤخر هذا من أسماء الله. فلا نقول المقدم فقط أو المؤخر فقط. لا بد أن نقول المقدم والمؤخر. لماذا؟ لأن الكمال لا يظهر إلا باجتماع الاسمين. فإذا اجتمع دل على كمال وإذا لم يجتمع قد يكون فيه هذا نقص. فالله عز وجل ليس له إلا الكمال. الله عز وجل n'a que la perfection. Il y a parmi les noms d'Allah des noms qu'on ne peut citer qu'accompagnés avec un autre nom. Pourquoi? Parce que quand ils sont cités accompagnés avec un autre nom, c'est là qu'on voit la perfection. Mais quand ils sont séparés et qu'ils sont cités seuls, on peut comprendre une imperfection. Et comme Allah n'a pas d'imperfection et qu'il est tout le temps décrit par la perfection, on les accompagne. Et parmi ces noms-là, Al-Muqaddimu ou Al-Mu'akhir. C'est pour ça que dans les hadiths où le prophète invoque Allah, il dit jamais un tel Muqaddim seul ou bien un tel Muqaddim seul. Il y a trois hadiths où ces noms-là sont rapportés et à chaque fois il dit un tel Muqaddimu ou un tel Mu'akhir. Limada? إنك تقدم من شاء من عباد من تشاء من عباده إلى فعل الخيرات وإلى الدرجات العلى وفي نفس الوقت تؤخر من شاء منهم فلو قلنا الله المقدر قد نفهم أن الله يقدم المقدم قد نفهم أن الله يقدم كل أحد وليس كذلك يقدم الصالحين ويؤخر الطالحين وإذا قلنا الله المؤخر فقط قد نفهم أن الله يؤخر الصالحين وهذا ليس بكمال ولذلك لا يظهر الكمال إلا باجتماع الاسمين إلا باجتماع الاسمين. Parmi les noms d'Allah, المقدم والمؤخر. المقدم c'est celui qui met à l'avant ses serviteurs, celui qui les met à l'avant vers les bonnes actions, celui qui les met à l'avant dans la foi. Il les a fait devancer à d'autres, il les a préférés à d'autres. Et aussi, Al-Mu'akhir, c'est le contraire. Celui qui a mis à l'arrière certains de ses serviteurs. Pour qu'il y ait une perfection, il faut absolument joindre ces deux noms. Parce que si on dit parmi les noms d'Allah, Al-Muqaddim seul, on peut comprendre qu'Allah fait mettre à l'avant n'importe qui parmi ses serviteurs, même ceux qui ne sont pas pieux. Et ce n'est pas le cas. C'est pour ça que parmi les noms d'Allah, Al-Mu'akhir, celui qui met à l'arrière, Allah met à l'avant les serviteurs bons et met à l'arrière les serviteurs mauvais. Donc on est obligé de rassembler ces deux noms pour voir la perfection d'Allah, qui est qu'il avance qui il veut et il fait reculer qui il veut. Et ça, c'est une partie des noms d'Allah qu'on doit attribuer à Allah, accompagné avec l'autre. Al-Muqaddim ou Al-Mu'akhir. Et c'est pour cela que dans trois hadiths qui sont authentiques, dans lesquels il y a ces deux noms-là, le prophète alayhi wassalam invoque Allah tout le temps avec ces deux noms. Et il ne met pas que un. Il met les deux. Parce que la perfection ne vient que quand les deux noms sont rassemblés. Et quand ils sont séparés, il peut y avoir une imperfection. Et comme Allah n'a pas d'imperfection, subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le dire seul. Et ensuite, le shaykh ici a donné des exemples. Il a dit wa huwa ma idha ufrida awhama naqsan كالضار النافع والخافض والرافع والمعطي والمانع والمعز والمذل وهذه الأسماء ليست صحيحة إلا اسم المعطي لله عز وجل ونحو ذلك فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده ولم يطلق قط شيء منها في الوحي. Ensuite il nous donne des exemples avec des noms et le seul nom qui est authentique dans les noms qu'il a donné ici c'est le معطي. Il nous dit الضار النافع. الضار c'est celui qui ramène la nuisance. النافع c'est celui qui ramène le profit. Et الخافض الرافع celui qui élève et qui rabaisse. Les صفات حقيقة الله عز وجل ولكن ليست من أسماء الله. Allah a ces attributs là mais ils ne sont pas des noms d'Allah. C'est pour ça qu'on prend l'exemple de المقدم والمؤخر Subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend à la kulli hal qu'il y a parmi les noms d'Allah des noms qu'on peut attribuer à Allah seul, d'autres qu'on ne peut attribuer à Allah qu'accompagné avec un autre nom. Pourquoi? Parce que la perfection n'apparaît que quand il est accompagné dans notre nom. Troisièmement, walam yutlaqat shay'un minha fil wahyi kadhalika la fil kitabi wala fis sunnah. Donc ces sortes de noms n'ont jamais été mentionnés dans le Coran ou dans la Sunna séparés. Ils sont tout le temps assemblés ou ensemble. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم والمنتقم ليس من اسماء الله عز وجل ولكن اسماء. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع تعلقه كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقم أو بإضافة ذو إلى الصفة منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. Il y a maintenant des attributs d'Allah. Azzawajal, il nous reste combien de temps? 5. Il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut attribuer à Allah qu'avec la cause de cette chose. Par exemple, parmi les attributs d'Allah Azzawajal, la vengeance. Parmi les attributs d'Allah Azzawajal, la vengeance. Il se venge contre les injustes. D'accord? On ne peut pas appeler Allah Al-Muntaqim. Limada? On ne peut pas donner le nom Allah Al-Muntaqim. Pourquoi? Parce que l'intiqam la yakunu kamalan illa idha kana intiqam min al-zalim. Wal insan qad yantaqimu min insan عادل فهذا نقص والله ليس له نقص لذلك لا يجوز أن نقول الله المنتقم بل نقول منتقم من المجرمين. Donc la vengeance c'est un attribut qui peut être parfait ou qui peut être bon ou mauvais. Il est bon quand c'est la vengeance contre une personne injuste et il est mauvais quand tu te venges contre quelqu'un qui est juste. Comme Allah Azza wa Jalla n'a que du bon, il n'a que de la perfection, on ne peut pas attribuer la vengeance à Allah sans dire pourquoi et contre qui il se venge. Si on dit Allah se venge, on sait que les gens ils peuvent se venger contre des gens qui sont justes. Et ça c'est injuste, Allah il ne fait pas ça. Donc quand on attribue la vengeance à Allah, on doit dire Allah se venge contre les injustes. Et ça c'est ce qu'on appelle sifat al-muqabala. Et c'est ce qu'on voit dans le Coran. Ils ont dit إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. Allah Azza wa Jal quand il a parlé de ces choses-là ici qui sont la ruse ça peut être mauvais. C'est pour ça qu'Allah il a dit ils rusent et Allah ruse, c'est-à-dire Allah ruse contre eux parce que eux ils ont rusé. Quand Allah fait ça là c'est parfait. Mais on ne peut pas dire Allah ruse comme ça. On ne peut pas. On doit dire Allah ruse contre ceux qui rusent. On ne peut pas dire Allah se venge comme ça. On doit dire Allah se venge contre ceux qui font de l'injustice. Et on ne peut pas dire aussi Allah se moque. On dit Allah se moque de ceux qui se moquent de lui. C'est ça qu'Allah il a dit que les hypocrites ont dit. Ils ont dit إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. On ne fait que de se moquer. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِ. Allah se moque d'eux. Donc il ne se moque pas de tout le monde, il se moque d'eux parce que eux se sont moqués de lui. Là c'est parfait. Mais si tu disais Allah yastahzi, هذا نقص, هذا لا يجوز. ولكن تقول الله يستهزي بالمستهزئين, يمكر بالماكرين, يكيد بالكاذبين. Donc obligé, la Bouddha تعلق الصفة بالسبب. Donc tu dois attribuer l'attribut à Allah avec la raison pour laquelle il fait ça. D'accord ? Avec la raison pour laquelle il fait ça, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ces attributs-là, on n'en tire pas des noms d'Allah. Pourquoi ? Parce que les noms d'Allah ne nous indiquent qu'une chose parfaite tout le temps. Et comme la vengeance peut être imparfaite des fois, ça ne peut pas être un nom d'Allah. Et comme la moquerie, c'est pas parfait tout le temps, ça peut pas être un nom d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Ouais. À la kulli hal, c'est pour ceux qui suivent le cours. Eux, ils vont comprendre. Ceux qui arrivent à la fin ou qui savent pas, c'est normal, ils comprennent pas. Mais ils sont pas concernés par ça. Wa nas'alallah azza wa jalla nufaqihana fi d-din wa nufaqana li kulli khair. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.